j'ai proposé de ne pas parler trop longtemps, mais Thierry, en même temps, m'a dit non, pas trop peu non plus, parce qu'il faut qu'on ait des choses consistantes. Alors, je vais essayer de vous proposer des choses consistantes, en partant de la question de la formulation des problèmes. Et je pense qu'il y a une série de problèmes dans le contexte du soulèvement des Gilets jaunes, qui est la question actuelle de quel assemblage possible et comment on s'assemble, pas simplement localement, mais entre localités. C'est-à-dire quelles sont les capacités à produire à partir d'un soulèvement qui a eu lieu partout en même temps, mais très hétérogène, et sans réduire cette hétérogénéité, comment fabriquer un espace quand même vraiment commun et sous quelle figure d'auto-institution. Voilà, la question de l'auto-institution d'un dispositif de souveraineté populaire. Pour moi, c'est le premier problème qui se pose aujourd'hui. Le deuxième problème, il a déjà été évoqué par Thierry, c'est la question de l'étranger. Le troisième, je crois qu'il ne faut pas l'éviter, c'est la question de la violence. Quel usage de la violence? Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'essaierai de dire quelques mots sur la question de la retenue de la violence et la question de la guerre civile comme hantise des révolutionnaires et ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui. Et puis, Thierry m'a dit que vous en étiez aussi à discuter de la question des cahiers de doléances, de savoir où les poser, où les faire, ou comment les faire, ou que mettre dedans. Et je crois que c'est un enjeu qui rejoint un peu le premier enjeu des dispositifs d'assemblage. Et donc, on essaiera aussi d'en dire un mot. J'ai amené pas mal de matériaux. Je ne sais pas si on aura le temps de les utiliser. Mais voilà les différentes choses que j'ai prévu d'aborder. Alors, dispositif de souveraineté populaire. C'est pas quelque chose qui a émergé d'un seul coup en 1789, c'est quelque chose qui s'est inventé au fur et à mesure du moment révolutionnaire. Mais en 1789, on dispose déjà d'un certain nombre d'outils qu'on appelle des assemblées primaires. Dans ces assemblées primaires, toutes les personnes qui sont présentes sur le territoire du royaume, hein, avant les états généraux, ont le droit de parler, de voter, y compris des femmes, quand elles sont chefs de foyer. Donc ces assemblées primaires, c'est ce qu'on va appeler un tout petit peu plus tard l'universalité des citoyens, répartis dans des espaces qui sont des espaces possibles de délibération. C'est-à-dire qu'on considère que si on a trop de monde, on ne peut plus parler, et si on a trop peu, alors il va y avoir nécessairement quelqu'un qui va prendre le pouvoir. Et ces questions de dispositif en termes de nombre de personnes pour que l'Assemblée soit une véritable Assemblée a été réfléchie en fait dans les révolutions d'Angleterre, en particulier par quelqu'un comme Shaftesbury, qui considérait qu'il y avait vraiment à réfléchir la manière d'empêcher la panique, c'est-à-dire d'empêcher que l'enthousiasme se transforme en fanatisme, et qu'il ne fallait donc pas des trop grandes assemblées où ça circulait beaucoup trop vite pour que ça ne puisse pas se transformer en fanatisme, et qu'il n'y ait pas non plus des figures autoritaires, et donc il fallait qu'il y ait suffisamment de monde pour contrecarrer l'autorité d'un seul. Donc il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, parce qu'il y a une configuration 18e où il y a de l'assemblée. Voilà. Il y a de l'assemblée qui est cette assemblée primaire. L'assemblée primaire, c'est l'assemblée de tous les citoyens, donc évidemment elle est hétérogène. Elle est nécessairement hétérogène et elle est donc le lieu d'une conflictualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être tous d'accord dans une assemblée primaire, bien heureusement. Nous sommes des égaux, nous sommes des semblables, mais nous ne sommes pas des identiques, y compris dans nos trajectoires de vie. Et donc les sensibilités sont différentes, les expériences sont différentes, les arguments sont différents. Et donc l'assemblée primaire est le lieu de l'hétérogène. Et c'est extrêmement précieux d'avoir un lieu de l'hétérogène. Mais la difficulté, c'est que l'hétérogénéité risque, quand le conflit est ouvert, de produire quelque chose qui dissout la capacité délibérative. C'est-à-dire que les gens s'engueulent très vite, voilà, pour le dire très vite. Donc, il y a à penser des lieux qui permettent d'élaborer les arguments, de calmer le jeu à un autre endroit. Et ce lieu où on calme le jeu pour ne pas se détruire, c'est le lieu non pas de l'assemblée primaire qui reçoit tout le monde, mais le lieu des sensibilités par affinité. Donc il y a des lieux de sensibilité par affinité. Et ça a été un peu long à mettre en place. Le premier lieu par affinité, il se joue à l'Assemblée des États généraux pour préparer ce qu'il y a de plus radical dans la Révolution, c'est-à-dire la transformation de l'Ancien Régime en société qui va fabriquer cette nouvelle constitution, l'Assemblée nationale constituante. Que font les gens dans le fameux club breton ? Puisque vous vous êtes appelé club, revenons au club breton. D'abord, il faut savoir ce que c'est que le club breton et pourquoi ça s'appelle le club breton. Il y a eu des démêlés extrêmement importants à Rennes. Il y a des gens qui viennent de Rennes ici, je crois. En tout cas, au XVIIIe siècle, il y a des démêlés très importants à Rennes où il y avait une certaine confusion. La confusion, c'était qu'on était contre, à ce moment-là, l'absolutisme et que ceux qui prétendaient incarner la voix de la nation contre l'absolutisme, c'était les parlements. Mais les parlementaires étaient aussi des nobles, mais des nobles qui avaient acheté ce qu'on appelle une savonnette à vilain. Le vilain, c'est le paysan. La savonnette à vilain, c'est ce qui fait qu'on efface le fait d'être paysan et qu'on achète une charge. Et achetant une charge, on devient un aristocrate, mais un aristocrate de robe. Pour les nobles d'épée, c'est pas grand-chose. Mais pour les bourgeois, c'est ce qu'on cherche à obtenir. Donc les parlementaires, leur visée, c'est qu'il y ait la possibilité de continuer à devenir aristocrate quand on a bien réussi dans la vie comme bourgeois et auparavant comme paysan, qu'on a accumulé du capital et qu'on peut donc s'acheter cette fameuse savonnette à vilain. Donc ils n'ont une visée contre l'absolutisme que pour se battre, dans une certaine mesure, contre les nobles d'épée, ceux qui sont les vrais nobles, avec du sang bleu, une race tout à fait singulière, qui va être bien sûr remise en question absolument à la fois dans son idéologie, dans ses représentations et dans sa réalité par la Révolution française. Dans ce moment des démêlés à Rennes avant la Révolution, il y a une alliance entre le tiers-État et le Parlement, jusqu'à ce qu'il y ait des manifestations très très violentes, où les parlementaires ne sont pas du côté du peuple et où il y a des morts du côté du peuple. Et à ce moment-là, ça décile le peuple sur une alliance qui était une alliance fausse, qui était une alliance, on pourrait dire, manipulatrice. Voilà. Donc, du côté des Bretons, il y a une expérience cuisante d'avoir été manipulé par les parlementaires et d'avoir dû se séparer de ces parlementaires avec des gens qui sont morts pour ça. Donc, ils arrivent à l'Assemblée des États généraux en étant des durs à cuire, c'est-à-dire des gens qui sont têtus et qui ne souhaitent rien lâcher. Et effectivement, ils ne lâchent rien, et c'est pour ça qu'on appelle le club breton, et ils sont même considérés comme étant désagréables, rudes, alors que beaucoup de députés sont tellement convaincus que les Lumières ont réussi à transformer les mœurs, qu'on va pouvoir s'entendre et créer réellement une nouvelle constitution qui assurera le bonheur de l'ensemble du pays. Donc il y a des gens qui arrivent avec beaucoup d'illusions, les Bretons pas du tout, aucune illusion. Donc ils fondent un club, ils vont voir les gens qu'ils estiment être un peu radicaux, c'est-à-dire proches de leurs opinions, et ils fabriquent un lieu secret. Et ce lieu secret, c'est ce fameux club breton, sa visée, c'est de réfléchir au coup d'après dans l'Assemblée pour obtenir qu'on arrive à cette fameuse Assemblée nationale constituante. Donc c'est un lieu de stratégie. Voilà. Je sais bien que dans le texte de Rancière, il y a une petite pique sur la stratégie, mais il se trouve qu'il y a des enjeux stratégiques sur la manière dont on fait avancer les choses. Et le propre de ce moment stratégique, c'est d'avoir compris quel était le point nodal. Et le point nodal, c'était surtout de ne pas se réunir par ordre. C'est-à-dire, là, on peut rejoindre à nouveau notre ami Jacques Rancière, c'est-à-dire de ne pas reproduire les structures de classement qui étaient celles de l'Ancien Régime. On reproduit, on réinvente toujours historiquement des figures de classement, mais pour pouvoir les réinventer, il y a bien un moment de déclassement. Et donc, ce que veut le tiers-État, c'est qu'on ne reproduise pas le même classement. Et ça les oblige à demander que les autres ordres rejoignent le tiers-État, les autres ne voulant pas. L'acteur principal de mai-juin 89, c'est l'attente. Parce que tout le monde s'impatiente, mais en même temps, personne ne veut lâcher sur « je reste un noble, je ne vais pas aller m'asseoir à côté d'un homme du tiers-État, fut-il bourgeois ». Je suis un évêque, je ne vais pas non plus aller m'asseoir à côté de Mirabeau qui a trahi sa classe en devenant un député du tiers-État. Donc il y a quelque chose dans cette attente qui est extrêmement importante, et cette attente n'a de sens que si on choisit le bon moment pour la rompre, pour décider que maintenant c'est fini et on y va. Et effectivement, le bon moment pour la rompre, c'est stratégique. Voilà. Donc il y a bien des enjeux fondamentalement stratégiques au début de la période révolutionnaire. Et je crois que c'est important de ne pas considérer qu'une lutte est uniquement un enjeu de stratégie, mais ne pas négliger la dimension stratégique. C'est-à-dire qu'il y a de la pensée à l'œuvre, des tentatives, des coups, des retraits, des avancées, des attentes, et que ces choses-là se pensent et que ça vaut la peine de les penser. Et donc le moment stratégique pour le club breton, c'est le moment où ils vont réussir à faire croire qu'ils sont suffisamment nombreux pour que, ça y est, les choses soient transformées. Et ils parlent du « on » et pas du nombre qu'ils sont. Et où, se réunissant dans la salle commune, eh bien, ils ont réussi à donner le sentiment que la noblesse et le clergé, qui ne se sont pas réunis à eux, sont défaillants, sont manquants, qu'ils manquent à leurs responsabilités. Et donc, ils ont réussi à subvertir le classement habituel, puisque ceux qui sont défaillants désormais dans le regard de ceux qui sont spectateurs de cette situation d'assemblée, ce sont ceux qui ont refusé ce déclassement, cette transformation, ce réagencement, ce réassemblage. Voilà. Donc ça, c'est le club breton. On fait de la stratégie. Ce club breton, il réunit que des élus, des députés au démarrage. Et à côté du club breton, il y a des assemblées de districts, qui sont des assemblées où on ne se contente pas d'être des électeurs, mais où on discute de tout. Tout ce qui se passe à Versailles, on en discute. Et district, ça veut dire quartier. Donc les assemblées de district, eh bien, dans toutes les grandes villes, dans chaque quartier, les gens ils se réunissent, un peu comme nous aujourd'hui, et ils discutent de ce qui se passe, et ils discutent des enjeux importants, et aussi de stratégie, et aussi de manière d'organiser la distribution de ce qui permet de vivre. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère et on répartit l'aide. Et au moment des situations de violence, on répartit aussi les armes. C'est dans les districts qu'on va répartir les armes et les responsabilités en termes d'organisation. Donc l'assemblée de district, c'est un peu comme une assemblée primaire, mais elle a une fonction qui n'est pas une fonction que politique. Elle a une fonction à la fois de vécu quotidien et une fonction politique qui devient extrêmement intense. Elle se politise de manière extrêmement intense dès l'ouverture des états généraux. Voilà. Donc vous avez d'un côté les députés, de l'autre côté les assemblées districts. Les députés sont applaudis tous les jours par des membres de la population qui trouvent formidable, qui tiennent sur ce qu'ils se sont engagés à faire dans les cahiers de doléances, c'est-à-dire à répondre au bonheur du peuple, à la nécessité de prévoir une constitution qui fasse le bonheur du peuple. Ces assemblées primaires, donc lieu du conflit, ont besoin de lieux apaisés. Ces lieux apaisés où on va élaborer les questions, c'est donc les clubs. Le club des Jacobins, c'est la traduction du club breton qui se transforme quand il se transforme en ouvrant les portes à des gens qui ne sont pas des députés. Et donc il y a un lieu où c'est un mélange de députés, de gens qui sont effectivement à l'Assemblée nationale constituante et de gens qui n'y sont pas et qui vont discuter. Et le propre du club des Jacobins, c'est d'être une société de correspondance. C'est-à-dire, il y a un noyau qui est proche de ce qui se passe à l'Assemblée, à Paris, et puis il y a une multiplication de ce qu'on a appelé les sociétés populaires, c'est-à-dire toutes les sociétés qui sont des sociétés qui s'organisent localement en référence à la société parisienne et qui sont en relation de correspondance. C'est-à-dire qu'on envoie des documents dans les deux sens. Et donc, il y a un débat qui s'organise entre la société mère, si vous voulez, et toutes les autres petites sociétés qui peuvent être tout aussi importantes que la société mère et qui vont discuter de différentes manières par courrier. Et cet espace des clubs, ils vont se multiplier en différents types de clubs, différents types de cotisations, différents types de sensibilités. Ils ne sont pas toujours exclusifs dans la période révolutionnaire. Ça me paraît important. Parce que le fait de ne pas être exclusif, ça veut dire qu'on peut aller un jour écouter ce qui se passe chez les autres pour voir la température et comprendre un peu ce qui se passe comme opinion en train d'être discutée. Et du coup, il y a la possibilité d'avoir des gens qui font le passage. Il y a un très beau texte de Jean Borel où il explique que les Roms sont les tenons et mortaises du peuple européen parce que c'est eux qui circulent entre les peuples. Voilà. Je pense que ceux qui circulent entre les clubs, ils ont cette fonction de pouvoir faire la circulation des idées, la circulation des opinions et de remettre les choses en question. Donc c'est important. Voilà, c'est important. Et puis il y a des sociétés qui ne sont pas immédiatement des clubs, qu'on appelle des sociétés fraternelles, qu'ont été créés par un instituteur qui s'appelle Dansard. Et au démarrage, ce que souhaitait Dansard, c'était que les gens soient au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils apprennent ce qui était en train de se dire à l'Assemblée. Donc c'est des lieux à la fois d'information, il s'agit de savoir quelles sont les nouvelles lois, de pouvoir discuter de leurs valeurs ou pas, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont mauvaises, de pouvoir connaître la déclaration des droits, de s'éduquer. Donc c'est un peu des lieux d'éducation populaire, si vous voulez. Elles sont mixtes, société fraternelle des deux sexes. C'est pas pour autant qu'elles sont égalitaires. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les deux sexes, mais ils n'ont pas exactement les mêmes fonctions dans l'Assemblée. Bon, mais ça évolue au fur et à mesure. Et surtout, les femmes, à part celles qui sont chefs de foyer, ne sont pas... n'ont pas de pouvoir dans les assemblées primaires, et elles vont pouvoir dire qu'elles souhaitent en avoir dans les clubs. Donc le club des citoyennes sans culottes du Mans déclare que, je cite, « privé par notre sexe du droit honorable de donner notre suffrage dans les assemblées primaires, qu'il nous soit au moins permis de faire entendre notre voix dans le club des citoyennes voilà. ». Donc c'est intéressant parce qu'elles se constituent, elles, comme citoyennes. Il y a d'autres endroits où c'est société des deux sexes. Donc c'est vraiment intéressant quand elles se constituent comme citoyennes, parce que là, elles prennent vraiment un pouvoir souverain, et elles le prennent pour la durée, et c'est des choses qu'on peut observer aussi à Lyon, enfin, dans des tas d'endroits. Je renvoie pour les travaux sur les femmes à Dominique Godinot, si vous voulez lire. En tout cas, c'est énorme la présence des femmes dans l'histoire de la Révolution française, même si les juristes sont souvent en retard par rapport aux sociétés, et qu'ils n'ont pas estimé nécessaire de les faire entrer dans la logique du pouvoir souverain. Donc voilà, ça c'est les trois types de sociétés. Donc je rappelle, assemblée primaire, le lieu où il y a tout le monde et où il y a du conflit. Les sociétés politiques, clubs, où on a des spécificités de sensibilité, mais ces spécificités n'empêchent pas qu'il y ait certaines personnes qui circulent entre. Évidemment, c'est rare qu'on circule du club des Jacobins à un club monarchiste. Quand je parle qui circule entre, c'est là où on pense qu'il y a besoin de fabriquer quelque chose de commun entre gens qui ont des sensibilités différentes sans être des sensibilités adverses, ennemies. Dans une certaine limite. Et puis les sociétés fraternelles qui sont des sociétés d'éducation. Alors tout ça, ça ne nous dit pas comment ça s'assemble et comment avec toutes ces différentes choses, on arrive à fabriquer du commun. Et en fait, le commun... Qui existe. Bon, j'ai donné une première piste avec cette affaire de société de correspondance, mais ça ne suffit pas. Une société de correspondance, s'écrire, se répondre, c'est important, mais il faut qu'à un moment donné, ça ait des effets sur le pouvoir. Et ce qui est vraiment fondamentalement différent entre l'histoire du 19e et du 20e siècle avec l'histoire de la Révolution française sur ce plan-là, c'est que ces différentes sociétés, elles envoient des adresses et des pétitions à l'Assemblée, et que tous les jours à l'Assemblée, on ouvre les séances en lisant les adresses et pétitions. Comme on en reçoit énormément, on ne fait pas une solution pratique comme celle qu'on a aujourd'hui de classement vertical, non. Il y a un comité qui s'institue des adresses et pétitions, et donc il y a des gens qui sont là pour lire l'ensemble de ce qui est envoyé à l'Assemblée, faire une sorte d'échantillonnage, alors évidemment subjectif, mais malgré tout un échantillonnage, de manière à ce que tout le monde soit au courant de ce que pensent les différents lieux pour pouvoir discuter en fonction de l'opinion du pays. Si on est proche ou si on considère que c'est extrêmement important de s'adresser directement à l'Assemblée, alors on peut aussi envoyer des députations, c'est-à-dire des gens qui arrivent à la barre de l'Assemblée et qui expliquent ce qui ne va pas à Marseille, ce qui ne va pas à Lyon, ce qui ne va pas à Étampes. Bref, on fait des pétitions et on se présente à la barre de l'Assemblée pour discuter. Et donc il y a quelque chose d'une nécessité constante de cette porosité, et du coup ça produit un espace commun. Après, on peut ne pas tenir compte de ce que dit le pays, et donc ça ne garantit rien. Et donc la question, c'est que toute la période 89-92 invente des tas d'outils qui montrent que ça ne garantit rien. Voilà. Et je crois que c'est très important de faire l'histoire en se rendant compte des espoirs qui sont portés dans certaines institutions, et puis constater au bout du compte que l'Assemblée a trahi. Parce que c'est ça qui se passe. Quand on soutient le roi qui a fui à l'étranger, qui a été arrêté à Varennes, et qu'on explique à un peuple qui sait pertinemment que c'est de la trahison, qu'en fait il a été kidnappé, que c'est pas une fuite, c'est un kidnapping. Enfin, c'est pas le mot kidnapping, qu'il a été enlevé, un enlèvement. Évidemment que tout le monde rigole, mais jaune, parce que évidemment, il s'agit bien de se moquer du peuple et de maintenir une constitution qui n'est pas une constitution satisfaisante en 1791. Elle est censitaire, elle respecte pas les règles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Enfin bon, c'est pas le sujet immédiat ce soir, donc on passe. Mais donc, ça suffit pas d'avoir ces institutions. Et donc, en 1793, quand on remet les choses en route, on va essayer de trouver plus de garanties. Et on s'interroge sur ce qui va produire les garanties. Et ce qui produit les garanties, dans la conception de 1793, c'est de garantir d'abord la continuité de la délibération. La continuité de la délibération, ça veut dire qu'il n'y a aucune loi qui doit pouvoir passer sans être précédée d'un rapport sur la loi. Donc, toutes les lois sont précédées d'un rapport. Et il doit y avoir des discussions en assemblée primaire sur toutes les lois. Toutes les lois. Il doit y avoir peu de lois. Déjà, la première chose, c'est que dans un pays libre, disent les révolutionnaires, il y a peu de lois. Parce que quand il y a trop de lois, ben, on ne peut pas les connaître. Et donc, pour le coup, c'est la confiscation par les juristes. Les juristes sont des gens très bien, mais quand ils confisquent les lois, évidemment, le souverain populaire n'existe plus, parce qu'il ne sait plus effectivement à quoi il peut se référer. Et soit ça lui coûte très cher, soit il n'a pas nécessairement les meilleurs juristes pour être à sa disposition. Donc, c'est compliqué. Donc, peu de lois, que tout le monde puisse les connaître, que tout le monde puisse avoir discuté leur qualité. Et donc, la discussion s'ouvre à partir du moment où le rapport a été envoyé, imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous le titre « Loi proposée ». C'est l'article important sur la formation de la loi. Et puis, 40 jours après l'envoi de la loi proposée, si dans la moitié des départements plus un et le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux régulièrement formés, rien n'a été réclamé, le projet est accepté et devient loi. Vous voyez, ça n'aide pas à empêcher les lois. Parce qu'il faut être vigilant. Si vous n'allez pas à l'Assemblée primaire pour savoir ce qui se passe avec la loi, eh ben, la loi elle va passer sans que vous vous rendiez compte. Et si vous n'avez pas réclamé suffisamment tôt, vous avez 40 jours pour réclamer. Au bout des 40 jours, les députés ils sont en train de discuter une autre loi. Et ils ont fait passer celle-là. Donc il s'agit d'être vigilant. Et cette vigilance, elle s'invente au moment où on a voulu ravir au peuple, en 1791, avec cette fameuse constitution censitaire et pas terrible, on a voulu leur ravir le droit de pétition, celui justement d'envoyer des documents qui disent leur accord ou leur désaccord à l'Assemblée. Je cite Nicolas de Bonneville. « Il faut que le peuple, dont la liberté n'est pas imperturbablement affermie, soit toujours sur le qui-vive. Il doit craindre le repos comme l'avant-coureur de son indifférence pour le bien public et se faire une habitude de contredire et de disputer pour n'être pas la dupe de tant de vertus vraies ou affectées par lesquelles on pourrait le tromper. » Donc, être toujours sur le qui-vive. Et c'est effectivement la grande difficulté, c'est que ces assemblées primaires et ces dispositifs de contrôle de la formation de la loi ne peuvent exister que si le peuple est sur le qui-vive. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt réel pour la chose publique et qu'il y a une conscience qui se maintient pour cette chose publique. Et c'est, je dirais, la plus grande difficulté, parce qu'à un moment où Saint-Just est un peu désespéré, je ne vais pas retrouver la page exacte, donc je vais vous raconter, il est un peu désespéré, il dit « mais dans une population, il n'y a jamais plus que 10% des gens qui s'intéressent à la chose publique. Et donc si on fabrique des institutions en fonction du nombre de personnes, ces 10% ne feront jamais le poids. Et donc il faut prévoir qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde qui est à protester pour qu'une mauvaise loi ne soit pas acceptable. Et donc, il y a quelque chose où il faut quand même penser à rendre toujours vivantes les institutions, qu'elles soient sympathiques, qu'elles soient agréables, qu'on ait envie d'y aller. Et donc, le même Saint-Just, il aimerait que ces institutions soient des lieux de ce qu'il appelle les affections civiles, c'est-à-dire des lieux amicaux. Si les lieux de club et même les assemblées primaires ne sont pas amicaux, eh bien, les gens, dit-il, les plus fragiles, les plus, ceux qui ont le plus de mal à prendre la parole, ceux qui sont indécis et qui ont besoin de plus de temps pour prendre une décision, eh bien, ils ne vont plus y aller parce que c'est trop pénible. Et parmi les choses qu'ils recommandent, c'est de ne jamais censurer les femmes. Donc, ne pas censurer une femme, parce que quand une femme prend la parole, il faut l'écouter jusqu'au bout. Vous voyez ? Donc, il y a des questions qui se posent après qui sont très concrètes. Qu'est-ce qui permet à une société de fonctionner, de ne pas fonctionner ? Et qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas dans les sociétés, dans ces sociétés populaires ? Et ce qui inquiète le plus Saint-Just, à un moment donné, c'est que ces sociétés populaires, elles se sont notabilisées. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles se soient notabilisées ? Ça veut dire que c'est toujours les mêmes qui y vont, qui sont les gens reconnus. Éventuellement, c'est les gens qui ont le plus de temps. Donc, ce n'est pas les gens qui travaillent toute la journée. C'est les gens qui ont des revenus assez faciles et qui n'ont pas besoin de travailler toute la journée. Ce sont des gens qui, éventuellement, sont les fonctionnaires. Et donc, ce qu'il dit, c'est si les sociétés populaires ne sont peuplées que de fonctionnaires, elles ont droit, les fonctionnaires ont droit d'être dans les sociétés populaires. Hein, le discours, ce n'est pas un discours contre les fonctionnaires, a priori. C'est que s'il ne reste que les fonctionnaires, alors il n'y a pas eu de révolution, dit-il. Donc, si vous avez des sociétés populaires qui ne sont plus suffisamment populaires, eh bien, vous ne pourrez pas contrecarrer les mauvaises lois. Et à ce moment-là, il y aura le pouvoir législatif et exécutif qui, à nouveau, se séparera des intérêts du peuple. Autrement dit, la seule garantie de la liberté, elle reste constamment dans le peuple. Donc, c'est un peu l'imaginaire qui est postérieur, hein, qui est celui de Walter Benjamin, et il était lecteur de Blanqui. C'est que pour être libre, il faut rester un veilleur de la situation. C'est-à-dire qu'il faut être sur le qui-vive. Et ce que dit Nicolas de Bonneville, avec d'autres, dans le moment où on discute sur le droit de pétition, c'est que si on empêche les gens du peuple d'avoir le droit humble de pétition, ils seront obligés d'avoir recours au droit terrible de résistance à l'oppression. Je crois qu'on est dans un moment d'usage du droit terrible de résistance à l'oppression. Ça permet de faire le chaînage, peut-être, avec la question de la violence. Le droit terrible de résistance à l'oppression, c'est les mots donc d'un révolutionnaire qui défend la révolution. Mais il y a quelque chose chez les révolutionnaires, d'une conscience qu'on ne doit pas avoir peur d'avoir à faire usage de la violence, mais on doit quand même avoir conscience que c'est toujours quelque chose qui laissera des traces qui ne sont pas des bonnes traces. Autrement dit, ça produit de l'effroi, c'est pourquoi le droit terrible de résistance à l'oppression, ça produit de l'effroi d'être confronté à une violence radicale, et donc il faut le plus possible retenir la violence. Voilà. Ça, c'est le discours des révolutionnaires radicaux qui disent, quand on est dans un pays qui a déjà une constitution, qu'on a déjà fait la révolution en 1789, quand on est en 1792, on souhaite que la révolution, ça ne soit pas un carnage, mais que ce soit une transformation de la constitution. Et donc, ce qu'ils réclament, c'est effectivement qu'on soustrait certains articles de la constitution, qu'on en mette d'autres, qu'on fasse une convention nationale. C'est ça, une convention nationale, l'appel à une convention nationale. C'est d'affirmer qu'on veut une autre révolution, mais on ne veut pas de carnage. Donc on veut obtenir par le pouvoir de la conviction, un petit rapport de force quand même qui est clairement énoncé, puisqu'on compte les armes, hein, la veille du 10 août, on compte les armes. Le 10 août, c'est la prise des Tuileries et la chute de la monarchie. On compte les armes. Pétion, qui est maire de Paris, explique à l'Assemblée et dans d'autres lieux, combien de gardes nationaux sont de leur côté, combien de canons ils ont, combien de piques ils ont. Volontaires nationaux qui sont venus toute la France pour fêter le 14 juillet sont là aussi. Donc on explique que le rapport de force, il est du côté populaire. Donc normalement, on ne devrait pas avoir besoin d'utiliser les armes, parce que si on ouvre le feu, de toute façon, le peuple va gagner, mais il y aura des morts. Et donc ça, c'est annoncé la veille du 10 août. Et du coup, quand la bataille est engagée, il y a d'abord une fraternisation avec ceux qui sont du côté de la défense du château, puis ensuite on a d'autres gardes qui vont ouvrir le feu parce qu'on ne leur a pas dit de ne pas ouvrir le feu. Et donc du côté du mouvement populaire, on appelle ça les crimes du 10 août. Le premier criminel, c'est le roi, et puis tous ceux qui ont accepté d'obéir au roi alors qu'on savait que de toute façon, le rapport de force était du côté du mouvement populaire. Donc tout ça pour vous dire que l'effort constant du mouvement populaire révolutionnaire, c'est de ne pas faire usage de la violence tant qu'on peut ne pas en faire usage. Autrement dit, ils sont dans une logique de droit défensif. Ils ne sont pas dans une logique de droit offensif, ils sont dans une logique de droit défensif. Et ce droit défensif, en fait, ça ne les empêche pas de considérer que quand ils sont acculés à la violence, eh bien, effectivement, il faut assumer la violence. Voilà. Mais la hantise qu'ils ont, c'est de basculer dans la guerre civile. Parce qu'ils sont dans la conviction que si la violence se déchaîne, c'est-à-dire que si on l'utilise sans être conscient de la nécessité de constamment la retenir, alors ce qui se passe, c'est que on n'est plus dans une révolution, mais à nouveau dans quelque chose qui s'apparente à la violence qui existait dans l'Ancien Régime. Parce que pour eux, la guerre civile, c'est ce qui existait avant l'absolutisme. Et donc pourquoi ils ne veulent pas de la guerre civile ? Parce qu'ils sont convaincus que s'il y a la guerre civile, non seulement ils auront perdu la partie, parce que ça laissera des mauvaises traces, mais que ça autorisera des pouvoirs à ramener de la tyrannie encore plus féroce. Et donc il y a quelque chose de l'anticipation de ce que produit la guerre civile dans son après-coup. Et donc la question de la violence, ce n'est pas la question d'être effrayé par le fait que l'homme serait peut-être un animal capable de cruauté ou ce genre de choses, même si ça fait partie des enjeux, puisqu'on souhaite restreindre la cruauté au XVIIIe siècle. On commence à manger végétarien. Saint-Just, il affirme que les enfants ne doivent pas manger de viande avant 15 ans. Bon, bref. Donc, il y a quelque chose de la retenue de la cruauté. Mais la question de la violence, c'est aussi ne pas anticiper la possibilité de voir réapparaître un gouvernement encore plus tyrannique. C'est ça, l'enjeu de la guerre civile. Et donc, l'enjeu de la violence, ce n'est pas un enjeu simplement, je dirais, de sensibilité, c'est un enjeu politique. Voilà, c'est aussi un enjeu de sensibilité à ce moment-là, retenue de la cruauté, mais c'est un enjeu politique. Si on passe dans la guerre civile, on aura un pouvoir autoritaire après. Je pense que je n'irai pas plus loin sur la violence, on aura l'occasion d'en discuter. Qu'est-ce qu'il en est de ces assemblées politiques du point de vue du rapport à l'étranger? Je crois que c'est un enjeu important parce que, évidemment, Thierry a évoqué l'Assemblée, c'est au Mans, je crois, à Caen. Voilà, je me suis mélangée avec mon cahier de doléances là. Donc, c'est à Caen, voilà. C'est très important puisqu'on est tous inquiets depuis le début. Enfin, je ne sais pas vous, mais depuis le début, dans les réseaux sociaux, le clivage sur on soutient, on ne soutient pas, il s'est joué beaucoup sur les récits qui concernaient les étrangers clandestins qui avaient été dénoncés, que si ces gens faisaient ça, alors c'était des fascistes et qu'on ne pouvait pas soutenir un mouvement de ce type-là, etc. Donc, et puis, on est très inquiet parce que même si Thierry nous a dit qu'ils n'étaient pas nombreux, moi, je vous avoue, j'en sais rien. Enfin, voilà, on n'en sait rien. Il faut plutôt être dans l'incertitude et assumer une part d'incertitude pour retenir le pire. Après tout, on n'en sait rien. Donc, c'est important d'en faire un élément récurrent dans nos discussions. Ou qu'on soit... Moi, je ne suis pas sur un rond-point. J'étais pas là au moment où ça a démarré. Je vais à nouveau pas être là dans pas très longtemps. Mais enfin, je suis assez présente sur... sur les réseaux sociaux, je suis là ce soir, j'essaye de faire ce que je peux à d'autres endroits. Partout où on est, je crois que c'est hyper important de parler de cette question-là parce qu'elle est déterminante sur la manière dont on pense l'humanité. L'humanité à la fois comme l'humanité contrôle de la cruauté, mais aussi l'humanité comme qu'est-ce que l'humanité comme horizon constitutif cosmopolitique. C'est cosmopolitique ou, si vous voulez, international, mais ça ne veut pas dire grand-chose d'international quand on n'a pas complètement inventé la nationalité ou la nation au sens du XXe siècle. Donc, laissons cosmopolitique, en plus, c'est plus joli. Donc, cosmopolitique. La conception politique des individus dans la période révolutionnaire, ce n'est pas le local, le national ou le régional, le national, et puis l'Europe, et puis après le monde. Non, ça ce n'est pas du tout leur conception. On est immédiatement un sujet synthétique qui appartient au local et au cosmopolitique en passant par toutes les échelles, parce que ça circule entre les échelles. Et comme ça circule entre les échelles, eh bien, la question, c'est les opinions politiques, l'idéologie politique qui vous travaille. Et donc, vous êtes, dans une certaine mesure, non pas un Français, parce que ça, c'est la question nationale, mais vous êtes un patriote. Vous êtes un patriote. Alors, évidemment, on nous a piqué le mot, c'est horrible. Mais bon, je suis quand même obligée de vous parler du XVIIIe siècle. Donc, patriote au XVIIIe siècle, c'est ceux qui veulent la liberté et l'émancipation. Donc, on est un patriote à partir du moment où on partage cet horizon émancipateur. Et dès que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été ratifiée, donc après la bonne manifestation rapport de force des 5 et 6 octobre, parce qu'elle est bien sûr signée à l'Assemblée le 26 août, mais entre le 26 août et le mois d'octobre, le pouvoir exécutif monarchique a refusé de ratifier. Donc si les femmes vont à Versailles, elles n'y vont pas que pour la question du pain, même si elles y vont aussi pour la question du pain, elles y vont pour obliger le roi à ratifier ce qu'on appelle les décrets d'août, abolition des privilèges et déclaration des droits. Bon, donc ceux qui sont pour la déclaration des droits, très simplement, ceux qui sont pour la déclaration des droits, ce sont des patriotes. Ceux qui sont contre, ce sont des aristocrates. Voilà, le partage, il est comme ça. Et quand on est patriote, eh ben, on peut être patriote étranger. Ça veut dire quoi être patriote étranger ? Ça veut dire qu'on est patriote, mais on est batave, ou on vient de Prusse, on est anarchasisclout, on vient d'Angleterre, on est Thomas Paine, Angleterre, États-Unis, on vient d'un autre pays et on est venu pour soutenir cette révolution, pour aider. Éventuellement, on était sur le territoire pour faire du commerce. Et puis, on est fasciné par cette magnifique révolution. On reste, on fabrique un club. Et donc, il y a des clubs de patriotes étrangers de 1790 à 1793. Voilà, il y a des clubs de patriotes étrangers. Après, ça se gâte parce qu'on est en guerre. Et que quand on est en guerre, ben on se met à se poser la question, est-ce que vraiment il est patriote ou est-ce qu'il est espion ? Et donc on dit aux étrangers qui étaient patriotes étrangers, on est désolé, mais il y a vraiment des problèmes d'espionnage, des problèmes de complot de l'étranger. Il y a des assignats qui sont imprimés en grand nombre pour faire une disette factice parce que les gens n'auront plus la possibilité d'acheter correctement avec leur monnaie. Donc, on va vous demander de sortir de l'espace public parce qu'on ne peut pas être sûr. C'est une situation de guerre, hein, ce n'est pas une situation ordinaire. Tant que la situation est ordinaire, il n'y a pas de problème avec les patriotes étrangers. Ça me paraît fondamental. On n'est pas en guerre. Voilà, on n'est pas en guerre. Et je dirais qu'en plus, la situation des étrangers n'a rien à voir avec celle de 1789, où c'était quand même des étrangers plutôt florissants. Il y a peu d'étrangers pas florissants sur le territoire, ou alors ce sont des gens ordinaires qui vivent d'une manière ordinaire, et la question est réglée très vite avec quelque chose d'assez magnifique, qui est la question de l'hospitalité. Auparavant, pour devenir un sujet du roi de France, il fallait demander des lettres de naturalité au roi. Et avec la Révolution française, on affirme que les individus seront admis à l'hospitalité dans le lieu où ils vivent, et qu'obtenant cette hospitalité, ils obtiendront les lettres de bourgeoisie, c'est-à-dire le fait d'être reconnus comme habitants, membres du souverain dans ce lieu-là, et qu'une fois qu'on aura été adopté à l'hospitalité dans une localité, on deviendra un Français ordinaire qui pourra circuler n'importe où sur le territoire. Donc cette question de l'hospitalité fait que les individus ordinaires qui sont installés sur le territoire du roi de France depuis longtemps peuvent devenir Français assez vite, hein, assez vite. Après, il y a des complications, je ne rentre pas dans les détails, mais ça, c'est la logique qui est donnée. Voilà. Donc, du coup, cette question des étrangers, eh bien, je dirais que dans l'élaboration de tout ce que je vous ai raconté, ils sont là tout le temps. Ils sont là à la fois dans les clubs, dans les assemblées primaires, quand ils sont devenus français comme ça très rapidement, ou ils sont là pour fabriquer même des bataillons quand on commence la guerre. Voilà. Ben voilà, j'ai traversé les différentes questions. Il nous reste les cahiers de doléances. Ça viendra peut-être dans le débat. J'ai amené différentes choses pour les cahiers de doléances. J'en ai amené un qui avait été fait par un petit collectif qui s'appelle le collectif Luce Faber et qui avait également été publié un peu dans Vacarme, cahier de doléances contemporain, est-ce ainsi que les hommes vivent ? Je ne trouve pas qu'il ait pris beaucoup de rides. C'est un texte de 2012 et qui circule dans tout le pays. Et puis, un autre petit collectif, Luce Faber, qui avait été fait dans Nuit debout, qui s'appelle « Relire la déclaration des droits de 1793 », et où, en face de chaque affiche qui présente un article, eh bien, il y a quelque chose de contemporain. Voilà, je voulais amener pour juste pour vous dire, voilà, il y a quelque chose qui était quand même aussi dans l'air avant. Voilà. Que ce n'est pas uniquement de la signalétique, je pense qu'il y a quelque chose qui se réfléchit.